Bonsoir chers auditeurs de Canal B sur antenne du 94 MHz ou en streaming. J'essaye la nouvelle ancienne table puisque ce soir c'est la dernière mission dans nos anciens locaux avant le déménagement prévu donc ces jours-ci, donc la semaine prochaine. Nous serons sur la table habituelle et les locaux qu'on utilisera dorénavant pour l'ensemble des programmes de Canal B. L'Asile Obscure, donc, émission diffusée et aussi sur Internet à partir de son blog asile35.blogspot.fr, également sur le mixcloud.com/redman. Et on démarre avec un duo de Brooklyn, ou plus exactement basé à Brooklyn, Rick Brown aux percussions et parfois saxophone, originaire de San Francisco, et Chechen, guitariste et également saxophoniste, lui originaire du Connecticut. Ils ont créé en 2012 77 Dollar Bill pour développer une musique instrumentale influencée par les folklores et musiques de traverse extra-occidentale, notamment la musique traditionnelle mauritanienne à la guitare, entre blues et minimalisme répétitif. Ils viennent de faire paraître leur tout premier album Wooden Bag, premier album officiel après quelques cassettes et un EP. C'est sorti ces jours-ci, au début du mois de janvier. On écoute de 77 Dollar Bill. We'll be right back. I'm gonna go get some more. l'instant dans le programme de joyeuseté hebdomadaire de l'Asile le plus sûr, on a attaqué avec le groupe 75 Dollar Bill, un jeune groupe de Brooklyn dans lequel on retrouve des gens un peu connus, notamment Monsieur Chen Chen à la guitare, qui a joué aux côtés de pas mal d'improvisateurs notoires ces dernières années, notamment Shie Mukai ou encore Tetsuji Akiyama. Et le batteur est très connu de nos services pour avoir participé à un certain nombre de projets de musiciens qu'on aime dans l'Asile le plus sûr, notamment aux côtés de Sue Garner dans Fish and Roses et dans Renon. Monsieur Rick Brown, qui a fait partie des batteries aux côtés de Guy Couchenevier, Charles Eward et même Albert Marker, ou encore dans Pitch Cobbler avec Monique Alba et notre camarade Dominique Grimaud, qu'on embrasse d'ailleurs, de Vidéo Aventure. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas de nouvelles de Rick Brown et ça fait plaisir de le retrouver dans un projet tel que celui-ci, 75 Dollar Bill, et ce tout premier album officiel, Wooden Bag, pardon, qui est sorti sur un label de New York, si je ne m'abuse, Other Music Recording Company, qui est un distributeur et aussi une boutique de disques du côté de East Village. C'était enchaîné avec la formation The End et le disque Last Blues, sorti par le label lyonnais Gaffer Records à la fin de l'année 2014. The End, qui est le trio entre Mathieu Verkowski au violon, Fabien Duscomps à la batterie et Dibou Bakker à la basse électrique et autres joyeusetés. Alors, pour les avoir vus au bar du centre à Luz Saint-Sauveur il y a presque 2 ans pour le festival Jazz à Luz, je peux vous dire que ça envoie du bois. Ce groupe The End, une sorte de free music avec beaucoup de cordes sympathiquement électriques. Disque sorti en vinyle par les bons soins de Monsieur Franck Gaffer sous le titre Last Blues. Et Fabien Duscomps, le batteur, est assez occupé puisqu'il devrait sortir aussi un tout nouveau disque de son projet Cannibal Éveiné, toujours en compagnie de JW Sock, Lex ZX. Ils ont fait d'ailleurs une tournée en Russie au printemps dernier. On continue avec le deuxième disque d'une formation plutôt noise de Melbourne qui répond au nom de Exhaustion, que je découvre avec ce Biker, disque vinyle sorti chez leurs compatriotes Arct à la fin du mois d'octobre. Un power trio guitare, voix, basse, batterie dans un format assez rock mais déstructuré et qui lorgne aussi du côté du free jazz. On écoute un extrait de ce Biker du groupe Exhaustion, le morceau qui démarre ce disque, le titre Blunt Eyes par Exhaustion. We'll be right back. l'instant dans l'asile le plus sûr, nouvelle séquence de Free Rock qui a démarré avec cette jeune formation Noise de Melbourne qui répond au nom de Exhaustion et le disque Biker, donc comme je disais un trio assez classique, guitare, basse, batterie avec un excellent batteur d'ailleurs et des musiciens qui lorgnent aussi du côté du free jazz puisqu'ils collaborent aussi aux côtés d'un vétéran du free hollandais, monsieur Chris Wanders, avec un vinyle monoface d'Exhaustion en compagnie de ce sax ténor qui devrait paraître également en février, donc juste après la sortie de ce deuxième long qui répond donc au nom de Biker, sorti chez Arct. Si vous intéressez à la musique de Exhaustion, et c'était enchaîné avec la formation ex Les Yeux de la Tête Mosca Violenta et le disque sorti il y a de ça un an et demi, en septembre de l'année 2013 sur le label Head Records, le label de l'Hérault, pour ce trio basse, batterie, saxophone quelque part entre Shellac et Zoo, basé lui aussi du côté de Montpellier, et je vous passe la musique de Mosca Violenta à l'occasion du concert de Mambou et Greg Eldur qui aura lieu ce jeudi 22 janvier au Terminus à Rennes, rue de Riaval, dans le cadre de la tournée du duo de Doom Jazz Mambou, mais sans le saxophoniste baryton et ex-Zoo Luca Timai, qui s'est cassé un doigt. Et donc pour ce finger tour, c'est le propre saxophoniste de Mosca Violenta, Samuel Frein, qui le remplace, donc finger in the nose en quelque sorte. D'ailleurs, les deux formations Mambou et Mosca Violenta devraient fusionner à l'occasion d'un EP apparaître d'ici quelques mois, toujours chez Head Records. On continue avec la musique de Lindsay Cooper, la regrettée joueuse de hautbois et basson et multi-instrumentiste qui a collaboré notamment aux côtés de Comus, de National Health et surtout de Enrico et News from Babel. Elle est décédée en septembre 2013 et quelques amis et compagnons de route de Lindsay Cooper lui avaient rendu hommage à la fin du mois de novembre dernier avec trois soirées spéciales en Angleterre et Italie pour rendre hommage à la musique de cette multi-instrumentiste, improvisatrice et compositrice. Et le label de Chris Cutler, qui est l'un de ses plus longs compagnons de route, vient tout juste de produire un double CD sous le titre Rarities, volume 1 and 2, qui illustre à merveille la musique de Lindsay Cooper. On y retrouve pas mal des choses qui ont fait la musique de cette femme, de cette britannique, notamment différentes pièces extraites de ses musiques pour films et aussi pour la télé à partir de la fin des années 70, années 80. Et pas mal de groupes dans lesquels elle a pu jouer, notamment un concert inédit du trio Trabant aux côtés de Alfred Hart et Phil Minton. Mais là, je propose de démarrer avec un titre connu de Lindsay Cooper, la face B du 45 tours qui était sorti en 1984 sous le titre The Last Nightingale pour financer la lutte des mineurs en grève sous l'ère de la Dame de Fer. Et c'était donc une musique de Lindsay Cooper sur des textes de Chris Cutler et avec la voix de monsieur Robert Wyatt. On écoute It's a Dark Year sur la musique de Lindsay Cooper. Oh, back to give his face. We'll be right back. Thank you. C'est assez tentant de vous proposer ce titre très très long, Piano Roulette de Lindsay Cooper jusqu'au bout. C'est aussi un excellent moyen de tester la console de radio de Canal B qui est en train de changer de studio et de matériel. Donc une séquence de trois titres extraits de ce double CD Rarities autour de la musique de la regrettée joueuse de hautbois et basson et aussi excellente pianiste multi-instrumentiste Lindsay Cooper à qui son camarade de jeu Chris Cutler rend hommage au travers de la production de ce double CD. Alors sur le premier CD, on entend surtout des outtakes, des chutes de studio de différents projets de Lindsay Cooper de la fin des 70 jusqu'à la fin des années 80. Et sur le deuxième disque, principalement des morceaux captés live, comme le trio Trabant, comme je vous disais, comme aussi ce piano roulette qui était enregistré le 13 novembre 1985 au fameux club de New York, The Roulette, en solo absolu au piano et aussi à l'intérieur du piano. Il y a aussi le fameux projet aux côtés de David Thomas, les Pedestrians, auxquels avait participé Lindsay Cooper avec Chris Cutler au milieu des années 80. Il y avait eu un album sous le titre Winter Comes Home qui était sorti également chez Recommended Records, je crois qu'il y avait eu aussi ou Rec Rec. Et il y a aussi d'autres lives sur cette anthologie Rarities autour de la musique de Lindsay Cooper et pas mal de témoignages autour de cette femme qui a beaucoup lutté pour la cause des femmes d'ailleurs, en montant notamment le Féministe Improvising Group aux côtés de Maggie Nichols. Il y a des témoignages de David Thomas, de Sally Potter, de Tim Hodgkinson, également de Henry Coe et évidemment un long texte de Chris Cutler. Et je voulais vous signaler aussi, si vous intéressez au label Recommended Records, deux autres sorties très récentes, toutes chaudes, sur RER, un nouvel album de Biota et aussi un CD du Hongrois Stéphane Kovacs, Tim Mayer, qui est collaborateur assez régulier de Fred Friis ou encore de Chris Cutler. On va continuer avec une autre femme, il s'agit de l'américaine Sarah Lipstate et de son projet solo Novel Air, avec un nouvel album pour cette guitariste sous le titre Fantastic Planet, qui va sortir d'ici quelques jours sur Fire Records. Sarah Lipstate, qui était basée à Brooklyn et qui s'est délocalisée du côté de Austin et qui continue de pratiquer la guitare avec pédale d'effet dans la pure tradition depuis Monsieur Richard Pinas jusqu'à Barn Hall par exemple. Une musique donc d'immersion plutôt dronesque avec une palette sonore assez large. Alors ce disque Fantastic Planet est beaucoup moins sombre que ses précédents opus ou encore ses collaborations aux côtés de This Quiet Army ou de Lee Ranaldo. Elle produit beaucoup ces temps-ci, Sarah Lipstate, sous son alias Noveler. Alors je ne sais pas si elle a encore du temps pour réaliser des films expérimentaux, ce qui est plutôt sa formation initiale. En tout cas, elle devrait collaborer sur un album aux côtés de Jim Sirlewell, Mr. Fetus, et ça devrait sortir d'ici quelques temps, d'ici quelques mois, et c'est plutôt une bonne nouvelle. On écoute un extrait de ce Fantastic Planet par Noveler. Thank you. Et non, les petits gris n'ont pas pris possession de votre poste à galène. Vous êtes bien dans une sélection électronique de l'Asile le plus sûr, qui a démarré avec une séquence plutôt ambiante, extraite du nouvel album de Noveleur, sous le titre Fantastic Planet, à sortir sur Fire Records d'ici la fin du mois de janvier, qui était enchaîné avec un extrait d'une anthologie pour redécouvrir la musique d'une pionnière de l'électroacoustique et des musiques concrètes au Danemark. Madame Else Marie Padeux, qui est toujours en vie, qui a été résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a côtoyé aussi Pierre Schaeffer à la fin des années 40 et années 50. Et elle a créé les premières pièces de musique électronique et électroacoustique au Danemark à partir du milieu des années 50. Une très belle anthologie lui rend hommage sous le titre Electronic Works 1958-1995, sorti sur Important Records en double CD et triple LP. On y retrouve la toute première pièce électronique diffusée au Danemark sous le titre Sieve Circler, et pas mal de Hörspiel comme ce qu'on entendait, qui était une suite autour de Faust. Une anthologie distribuée par le label Metamkin pour la France, comme de juste, et compilée par Jacob Kierkegaard, musicien électronique avec qui elle a collaboré ces dernières années. Il y avait notamment un disque qui était sorti l'an dernier également chez Important Records, des collaborations entre Jacob Kierkegaard et Else Marie Padeux. On va continuer avec une séquence de free jazz et la musique de Ballister et un disque qui s'intitule Worse for the Wear, sorti sur Aerophonic Records. Il s'agit du trio entre le multi-sax de Chicago Dave Rampis, collaborateur très régulier de Ken Vandermark ou encore de Jeb Bishop. Et on le retrouve au sein de Ballister aux côtés du violoncelliste Fred Longberholm et du batteur Paul Nissenlove. Il s'agit de leur quatrième disque depuis 2011, l'album Worse for the Wear. On va écouter une longue pièce extraite de ce disque, le titre For Max. Juste pour vous signaler, si vous voulez écouter la diffusion du lundi sur l'antenne du 94 MHz, qu'il va y avoir une coupure de l'antenne avec des tests effectués par notre responsable technique Thierry, voilà, qui va prendre la main. Donc ne vous étonnez pas si vous entendez une coupure du son, et vous pourrez bien évidemment retrouver l'intégralité de l'émission sur le blog asile35.blogspot.fr. On écoute le titre de Ballister, Fornax. We'll be right back. We'll be right back. une séquence de jazz libre avec tout plein de testostérone à l'intérieur qui a démarré avec la formation Ballister, le trio du multisax de Chicago, Dave Rumpis, qui est très très active en ce moment puisque c'est le troisième disque en moins d'un an que signe ce combo. On avait déjà eu un premier album début 2014 chez Bossian Records sous le titre Boss Earns. À la fin de l'année dernière, également une cassette chez Monophonus Press. Et donc ce CD Worse for the Wear qui vient tout juste de sortir en ce début du mois de janvier. C'est sorti d'ailleurs chez Aerophonic Records. Aerophonic qui est la propre marque de disques de Dave Rumpis, et Dave Rumpis qui est donc très très actif puisqu'il a sorti aussi un autre projet aux côtés de Nate Woolley également sur son label Aerophonic Records. C'était enchaîné cet extrait du premier titre de Worse for the Wear, un titre de 20 minutes qu'on a découpé en deux et qu'on a enchaîné avec le duo entre le sax baryton londonien Colin Webster, qu'on avait découvert l'an dernier, notamment par un concert assez phénoménal qu'il avait donné au sein des Dead Neanderthals. Les Dead Neanderthals avec Colin Webster, c'était une soirée concert organisée par l'association Interzone qui avait lieu au printemps à la Maison de la Grève à Rennes. Il y avait aussi d'ailleurs les excellents Cactus Truck pour cette soirée concert. Et Colin Webster joue régulièrement aux côtés du batteur de la formation Led Bib, qui a sorti pas mal de choses chez Cuneiform. Et donc régulièrement en duo aux côtés de Colin Webster, il y avait eu notamment des projets avec Sheik Anorak sur Gaffer Records, l'excellent label dont on écoutait la production de The End en début d'émission. Et ils avaient sorti plusieurs disques rien que tous les deux, notamment sur le label Raw Tonk en 2012 et 2013. Ils viennent donc de récidiver, Colin Webster et Mark Holub, avec l'excellent Viscera. C'est sorti en CD à l'automne dernier sous l'étiquette New Atlantis Records. Voilà, l'émission est quasi terminée. Je voulais vous signaler cette semaine à Rennes un festival de musique contemporaine à ne pas manquer puisque c'est sa première édition, le festival Outre Mesure, qui aura lieu ces jours-ci entre le jeudi 22 janvier et le dimanche de cette semaine 25 janvier, avec donc quatre soirées, une soirée au musée de la danse ce jeudi, à la galerie Oniris ce vendredi, rue d'Entrain, et dimanche 25 au Frac Bretagne entre 12h30 et 18h. Vous devriez trouver plus d'informations sur ce festival Autre Mesure sur internet. Vous pourrez en tout cas y entendre pas mal de pièces du répertoire contemporain selon vos intérêts, qu'il s'agisse de musique minimale répétitive ou encore des pionniers Tom Johnson, John Cage, Morton Feldman, Giacinto Scalzi, et pas mal de pièces des jeunes musiciens de l'ensemble Chrysalide. Voilà, donc plus d'informations sur internet sur le festival Autre Mesure. On va se quitter avec un dernier titre. Je vous rappelle que l'ensemble de cette playlist est écoutable, podcastable ou en streaming à partir du blog asile35.blogspot.fr, avec l'ensemble des morceaux que vous avez pu entendre ce soir et les semaines précédentes, et pas mal de liens aussi pour naviguer autour tour des sélections de l'Asile le plus sûr. Mais on se quitte avec un des grands spécialistes de la guitare environnée et des musiques électroniques dronesques. Il s'agit du néo-zélandais Peter Wright, avec la parution d'un disque oublié de 2005, des pièces qui n'avaient pas vu le jour, qui viennent tout juste de paraître sur le label Distant Bombs. Ça s'intitule 51 degrés nord, 0 degrés ouest. C'est plutôt excellent. C'est à l'époque où Peter Wright vivait du côté de la Tamise à Londres. Depuis, il s'est retiré dans sa Nouvelle-Zélande natale. On écoute le titre Finally par Monsieur Peter Wright. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la semaine prochaine.